Page 1. Combien de tentacules a la pieuvre? Mon emploi du temps. Vocabulaire. L'anglais. Le français. La géographie. L'histoire. Les maths. Les sciences. L'informatique. La leçon.